légendes, des croyances, des rêves, des envies, des grandes, la chance, une trêve, des vies, une offrande, une offense, la relève, un devis, une robe des gens, d'une offrande, une offense, la chance, des croyances, des rêves, une trêve, la relève, des envies, un devis pour toute une vie. Un tchèque qui lâche rien avec espoir et envie, jusqu'au bout, jusqu'à la mort, la fin d'une vie, le courage d'un Wallace avec tact et sans pitié, caractère d'un révolté, le pacifisme d'un Gandhi jusqu'au bout, violent, des croyances, de révolte, de changement, un train de vie marrant, des voyages d'image d'un humain sage, des rêves de révolte, de changement, un train de vie marrant, des voyages d'image d'un humain sage, le rêve d'une croyance, des envies, des rêves, d'amour, d'un regard dans l'espace infini, de nature, de révolte, de problèmes finis, d'elle, de nous, de vie, de croyance, d'espoir, de nous, de vie, de sa présence, une chance d'être là, de vivre, de découvrir, d'aimer, de regarder son amour nous envahir, de croire, de profiter, de rire, de pouvoir penser à demain pour espérer encore à son amour, penser à son regard, à elle, à nous pour toujours. Une légende, des croyances, des rêves, des envies, des grandes, la chance, une trêve, des vies, une offrande, une offense, la relève, un devis, grande légende, une offrande, une offense, la chance, des croyances, des rêves, une trêve, la relève, des envies, un devis pour toute une vie. Une trêve, loin de ces conneries humaines et de nos dogmes pour laisser place aux rêves, aux croyances et à l'espoir, loin de tous ces mensonges et des fausses vérités, tout près de l'amour, de la vie et de l'amitié, des vies gâchées pour des conneries, des vies souillées, dirigées, embrouillées, salies, une liberté qui n'a jamais fleuri, qui a toujours failli, qui se doit d'exister, de vivre et qui jaillit. Une offrande pour elle, pour une histoire des plus grandes, l'offrande de sentiments qui ne ment jamais, l'offrande d'une chanson d'amour, d'un rêve, d'un espoir, d'une vie, de la lune, des étoiles et de la terre. Une offense pour la planète, pour nos frères, nos dettes, de par un discours sacré, sacrément débile, de paroles en l'air, de promesses, envahies par les villes bâtards, prêts à tout pour leur pouvoir. Une légende, des croyances, des rêves, des envies, des grandes, la chance, une rêve, des vies, une offrande, une offense, la relève, un devis, une grande légende, une offense, la chance, des croyances, des rêves, une trêve, la relève, des envies, un devis pour toute une vie. La relève de toute une vie, de tout un oui, la relève, la réalité qui prend la place du rêve, qui prend la place des pleurs, de l'espoir et des cris, et qui surgit le temps de toute une vie. Un devis qui me dit que l'avenir est incertain, qu'on ne sait pas ce qu'il peut se passer demain. Ce devis qui me dit que je l'aime, elle, qui me dit de continuer à espérer, à rêver, à rire et à croire, pour que demain soit des plus beaux, soit des plus hauts, des moins salauds, de continuer à boire cet amour ressenti, senti, serti de joyaux à l'infini. À l'infini, un devis qui me dit que l'avenir est incertain, qu'on ne sait pas ce qu'il peut se passer demain. Ce devis qui me dit que je l'aime, elle, qui me dit de continuer à espérer, à rêver, à rire et à croire.